feel something inside me saying, but I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love, after love? I can feel something inside me saying, but I really don't think you're strong enough. No, do you believe in life after love? I can feel something inside me saying, no, I think I'm strong enough. À 12h15 sur la première, ne manquez pas le magazine de la rédaction de la première dans les coulisses. Et aujourd'hui, nous serons dans les coulisses de Marie Porte du Ciel qui raconte l'embrigadement, l'emprise, la perte de libre arbitre. Donc on en parlera tout à l'heure avec Daniel d'Ambreville sur la première. Sur la première. Le journal Jean-Paul Mélade, bonjour. Bonjour. La ville de Saint-Leu engorgée, la fête de la Salette commence à 15h, ferveur religieuse, messe et procession pendant 3 jours. La filière avicole se porte bien, pour inciter les Réunionnais à consommer encore plus local, elle a modifié son logo. Les 33e journées du patrimoine commencent dès ce week-end, 18 villes y participent. La fondation Nicolas Hulot invite les Réunionnais à s'engager pour la nature. Le 170e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à la Salette à Saint-Leu, une manifestation très prisée par les catholiques de la Réunion. Des milliers de personnes sont attendues dès cet après-midi, 15h, suit une messe suivie d'une procession. Le pèlerinage durera jusqu'à dimanche avec, là encore, force messe et procession, mais aussi une partie très commerciale. Fred Numa est gérant d'un manège, il finit les derniers détails pour que sa machine soit prête à 15h. Comme le manège monte en quasiment une journée, donc on a terminé à 3h, on a monté ça hier, on a eu le temps de laver et tout quoi, on a fait les réglages, les préparatifs, il ne reste que les petits détails, on peaufine pour jusqu'à fin d'après-midi, mais en temps normal c'est bon, après on va faire les vérifications, se fait après la fête, on vérifie tout, tous les jours on refait le même truc, quoi, vérifier tout ce qui est bon pour qu'on puisse ouvrir dans les temps. Et il reste encore beaucoup de petits détails ? Non. Le plus gros, je suis en train de faire la peinture, c'est tout. Après, ben, il ne reste plus rien, quoi. Là, on attend les barrières, on va mettre les barrières en sécurité, on va mettre la musique, c'est tout. Hein. On est prêts, non, pour ouvrir. Fred Numa, gérant d'un manège, interrogé par Priscilla Itev. Le coup de colère de Daniel Gontier, il n'est pas content du départ de Marilène Moirot, la directrice du Parc National, démise de ses fonctions par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Le président de cet organisme regrette ce retour au temps des colonies, selon ses termes, dans une interview accordée au quotidien de ce jour. Autre réaction, celle de Luc Gigor, le directeur général du Conservatoire Botanique National de Mascarin. Il est attristé par le départ de Marilène Moirot. Je pense que ça serait une régression. Parc national est quand même un outil extraordinaire, formidable. Maintenant, il faut peut-être adapter la réglementation, les statuts d'un parc à des spécificités locales. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table et vraiment aller vers plus de dialogue, de consensus. Le parc national, c'est une chance pour la Réunion. C'est l'affaire de tout le monde, de la région, du département, des Réunionnais. Donc, faire en sorte que justement, il n'y ait pas cette fragilisation. Est-ce qu'il faut que ce soit un Réunionnais qui soit à la tête du parc national ? Ça aussi, c'est un débat qui va revenir, puisqu'on sait qu'en 2011, il y avait eu du lobbying autour de la candidature de Marilène Moirot. Qu'est-ce qu'un Réunionnais ? Oui, peut-être. Enfin, là-dessus, moi, je pense qu'il faut une personne compétente, à l'écoute, réunionnais ou pas, je ne vois pas de différence. Luc Gigor, directeur général du Conservatoire botanique national de Mascarin, interrogé par Philippe Dornier ce matin dans la matinale de Réunion Première. On parle économie dans ce journal. La filière avicole réunionnaise se porte bien et pour pérenniser cette bonne santé, la RIVE, l'association réunionnaise interprofessionnelle de la volaille et du lapin, a entrepris une profonde refonte de l'identité visuelle de la volaille pays. Objectif, mieux identifier la volaille pays pour inciter à consommer local. Ce nouveau logo est une garantie de qualité, de fraîcheur et de traçabilité. Beaucoup d'acteurs locaux ont fait le choix de la volaille pays, comme Yolan Virakaoundin, charcutier sur Saint-Denis. Il est un adepte depuis toujours des produits pays, et cela depuis son enfance. Dans le secteur d'activité, c'est vrai que moi, depuis l'enfance, je n'ai connu que ce produit, c'est-à-dire la volaille pays, puisque mon père lui-même était déjà charcutier. Et en ayant repris l'activité moi-même, je suis devenu aussi un convaincu du volaille pays, parce que c'est un produit qui est vraiment de très bonne qualité et que les consommateurs s'y retrouvent bien. Donc on a une filière qui est très bien organisée et relativement dynamique. La volaille pays prend de l'essor. Pourquoi ? Parce qu'on assiste à une sous-consommation de la viande de porc. La volaille pays a de très beaux jours devant elle, puisque les gens sont prêts pour pouvoir avoir un produit de qualité, à y mettre le prix. Yolan Virakaoundin, charcutier, au micro de Nadine Bachelot. Il n'y aura bientôt plus de dédouanement des colis postaux à Saint-Pierre. Toute l'activité va être recentrée à Saint-Denis. Sur les 4 à 5 000 colis qui arrivent chaque jour sur l'île, 800 font l'objet d'une taxe, dont 200 en moyenne étaient à destination du Sud. La Poste estime que ce sera plus simple et plus rapide de les traiter dans le chef-lieu. Frédéric Frumance, directeur de la plateforme industrielle Courrier de Saint-Denis. Nous avons modernisé notre chaîne de traitement colis sur la plateforme depuis juillet de l'année dernière. Nous sommes beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces. C'est mécanisé, nous avons investi plus de 200 000 euros pour pouvoir mécaniser cette chaîne de traitement qui diminue les manutentions et les manipulations. Vous savez qu'un colis peut peser jusqu'à 30 kg déposé à la poste. Donc quand vous manipulez plusieurs tonnes par jour, effectivement, il était nécessaire pour nous de mécaniser et de réduire la pénibilité sur le traitement de ces colis. Les clients du Sud ne vont pas y perdre en durée. C'est tout à fait l'inverse. Nous allons pouvoir offrir à nos clients du Sud à peu près un à deux jours sur des colis taxés en termes de délai. Donc les colis arriveront beaucoup plus tôt dans les boîtes aux lettres de nos clients dans le Sud. Frédéric Frumance de La Poste au micro de Bruce Régent. Attention, en cas de facture manquante, il faudra la faire parvenir à La Poste par courrier ou par mail. La Poste transmettra aux douanes. Inutile donc de se déplacer jusqu'à Saint-Denis et vous ne récupérez certainement pas votre colis. Les journées européennes du patrimoine ont lieu ce week-end. De nombreux sites vont être gratuitement ouverts au public, parfois de façon très exceptionnelle, comme la préfecture de Saint-Denis, de La Réunion, par exemple. Les Réunionnais sont toujours nombreux au rendez-vous. Peut-être que certains voudront donc éviter les files d'attente et jouer les activités différentes, celles qui vont tourner autour du patrimoine naturel. Avec Jazzy pour mon patrimoine naturel. Le même week-end, la Fondation Nicolas Hulot a voulu mettre culture et nature sur un pied d'égalité. Emeline Benz est chargée des projets bénévolat nature et outre-mer dans cette fondation. On s'est dit, quand on a cherché une date, il y a déjà la fête de la nature en mai, il y a les journées nature par exemple avec le département à La Réunion. Il y a déjà beaucoup de choses autour de l'environnement et les journées du patrimoine, les gens ont l'habitude de sortir. Et donc c'est juste ajouter une diversité à la programmation. Et peut-être aussi, il y a des gens qui n'ont peut-être pas un intérêt à visiter des musées ou qui les ont déjà vus. Donc là, c'est apporter de la nouveauté. Et puis aussi, il va y avoir beaucoup d'actions de sensibilisation sur ce week-end. Et c'est peut-être leur mettre le pied à l'étrier pour qu'ils souhaitent s'engager à long terme avec des associations locales pour protéger leur patrimoine. On espère que ça sera un succès et que l'an prochain, on aura encore plus d'actions et qu'on pourra recommencer les années suivantes. Emeline Benz de la Fondation Nicolas Hulot au micro de Bruce Régent. En sport, handball, les messieurs seront sur les parquets ce soir pour la 5e journée du championnat de l'élite. Pas de véritable affiche, mais des oppositions a priori équilibrées qui vont compter pour la suite du championnat. Si certaines formations sont encore en quête de cohésion et de mise en place dans leur plan de jeu, les staffs techniques savent que les points engrangés et les différences de but seront importants à l'heure des phases finales. Le point sur cette 5e journée avec vous, Karl Sivat. 5 matchs à l'affiche ce soir, comptant donc pour la 5e journée en D1 masculine. À 21h à Vubel, la JS Saline reçoit le Saint-Pierre HBC. 4 points séparent les deux clubs pour une rencontre a priori équilibrée. À 21h15, les 4 autres rencontres, la JS Panonaise sera opposée à l'AS Château-Morange à Paul Moreau. Joinville reçoit le HBC Possession à Champfleury. On peut parler de rencontre de mal classée en ce début de championnat. La JSB qui compte 6 points voudra distancer Bois-de-Neuf qui pointe à 2 longueurs. Match programmé à Marsoin et puis à Plateau. Au Caillou, la SC Saint-Gilles-Léo, 5e au général, aura fort à faire face à la Case Gressonnière, 3e au classement. Rappelons qu'en ouverture de cette 5e journée, les Tamponnais ont dominé le port Meyancoudi 36 à 23. Carl Sivad de Réunion Première, troisième journée de pré-national de basket chez nous, ce sera 20h30, Saint-Paul et Glon d'Orient et Tamponnaise, c'est aux montagnes. 12h08, n'oubliez pas votre magazine tout juste après ce journal, consacré donc à un mouvement sectaire qui s'appelle ce mouvement sectaire, Ingrid Marie, Porte du Ciel. Bravo. Donc fin de ce journal, retour de l'information locale à 17h, qu'est-ce qui se passe dans le monde et en France avec la rédaction de France Info. Une explosion ce matin à Dijon, un immeuble s'est en partie effondré. Information que nous donne à l'instant France Bleu Bourgogne. Il y a plusieurs blessés, les dégâts sont très importants. C'est tout le quartier de la gare de Dijon qui a vibré au moment de cette explosion. Elle a eu lieu vers 9h ce matin. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve va porter plainte contre un rappeur. C'était une demande des syndicats de police. Dans l'une de ses chansons, Joe le Feno, c'est le nom de ce rappeur, appelle à la violence contre les policiers. Les syndicats dénoncent la haine anti-flic. Un campement de migrants est en cours d'évacuation à Paris. Plus de 1500 Soudanais ou Afghans sont en train d'être conduits en bus vers des centres d'hébergement. Ils dormaient jusqu'ici dans la rue, sous des tentes ou sur des matelas dans le nord de la capitale. Après la bagarre à Cisco cet été en Corse, un homme est condamné à 2 ans de prison ferme, les autres à de la prison avec sursis. La bagarre avait éclaté entre des villageois corses et une famille musulmane accusée de vouloir privatiser une plage. Et puis 7 médailles en une seule journée. Les Français ont brillé hier aux Jeux Paralympiques à Rio. Les Bleus décrochent l'or en tennis et en escrime. La France est 17e au tableau des médailles. Retour de l'information tout à l'heure à 13h. Tout de suite, un point sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Après une matinée assez agréable, les nuages d'évolution diurne se mettent en place le long des pentes, laissant malgré tout les plus hauts sommets dégagés. Au fil des heures, cette couverture nuageuse prendra plus de consistance dans l'intérieur de l'île. Côté température, elles sont en dessous des normales de saison. Il fait entre 24 et 27 degrés sur les zones littorales et entre 13 et 18 dans l'intérieur de l'île. Le vent de sud-est est modéré entre Saint-Pierre et Sainte-Suzanne en passant par Sainte-Rose, avec des rafales allant jusqu'aux 55 km/h. Et entre Saint-Paulet et le port, eh bien ce sont les brises qui soufflent. La mer est agitée à peu agitée dans les secteurs ventés et au déferlement d'une houle d'alizé qui s'accentue lentement. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. La ville de Petite-Île présente la Journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La Journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du Festival Kalougang au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouvez en concert Morgan Heritage, Kalash, Kiltir, Esther Rada. Et venez découvrir le chanteur haïtien Bitova au bass. Toute la programmation et les infos pratiques sont sur kalougang.re. Pour rendre visite à ma mère, il me faudrait un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner, s'il vous plaît, les 13 millions d'euros. Si, un peu plus, je prends. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Première. Midi 12, aujourd'hui sur Réunion Première. Vendredi, pas de c'est dans l'actu. Philippe Dornier sera de retour dès lundi. Mais comme chaque vendredi, place au magazine de la rédaction. Dans les coulisses de ce midi, Daniel D'Ambreville nous fait découvrir les dessous du groupe de prière soupçonné de dérive sectaire, Marie Porte du Ciel. Les messes sont tous les dimanches, les prières quotidiennes, c'est-à-dire à 4h30, 5h, il fallait monter debout pour faire des prières pendant deux heures. Moins de soucis dans la vie, on allait là-haut justement parce que tout de suite c'est un mal qui ronge et qu'il faut aller à Marie-Porte du Ciel pour avoir une prière pour justement nous délivrer. L'homme qui parle a passé plus de 10 ans au sein du groupe de prière Marie Porte du Ciel. La communauté, établie au 14e kilomètre, au tampon, est soupçonnée de dérive sectaire. Son présumé gourou, Augustin Valencourt, et sa famille sont mis en examen aujourd'hui pour abus de faiblesse. L'homme qui parle est un ancien adepte de Marie Porte du Ciel. Il a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat, non par peur des représailles, mais pour préserver ses proches et sa nouvelle vie. Le journal de la rédaction, Florent Marot. Les victimes se compteraient par centaines. Une famille a été interpellée hier dans le sud. Elle dirigeait le groupe de prière Marie Porte du Ciel. Augustin Valencourt et trois de ses proches sont entendus en ce moment même au tribunal. Des dépenses trop élevées pour les revenus déclarés. Le train de vie du présumé gourou du groupe de prière du 14e kilomètre au tampon et de sa famille a mis la puce à l'oreille de la police. Ils viennent de passer leur première nuit en prison. Le 7 décembre 2015, un ancien policier de 73 ans, Augustin Valencourt, son épouse, sa fille et son fils, prêtre au chaudron, sont interpellés et mis en examen pour abus de faiblesse et blanchiment aggravé. La famille, installée sur la ville du Tampon, est soupçonnée d'avoir extorqué des dizaines de milliers d'euros aux adeptes du groupe de prière qu'elle avait fondé en 1988 sous le nom de Marie Porte du Ciel. Le préjudice est estimé à plus de 3 millions d'euros. L'enquête a permis d'établir que la famille s'est bâtie de solides revenus sur le dos de centaines de fidèles grâce à l'emprise du patriarche. Voitures de luxe, motos, voyages. Augustin Valencourt promettait la colère divine à ceux qui refusaient de soutenir la communauté. Et soutenir le groupe, c'était l'obligation pour les adeptes d'acheter des statuettes, des images pieuses, de financer des pèlerinages à l'étranger. Le parquet décrit Marie Porte du Ciel comme une véritable entreprise avec des bénéfices. Le parquet parle aussi d'adeptes manipulés mentalement par un homme charismatique et son épouse mystique. Chaque dimanche, l'assemblée réunissait plus de 800 fidèles sur la grande propriété cossue familiale. Pendant plus de 10 ans, cet ancien adepte a participé à ces prières collectives. En fait, moi, j'étais dans une période où je voulais changer de travail déjà. J'ai passé une année un petit peu à faire l'intérim et tout, et pas forcément trouver ma voie, on va dire. On a eu des connaissances, on est allé. Du coup, voilà, ça a commencé comme ça, en fait, à donner des prières et tout. Et après, j'ai eu l'idée de créer ma société par mes connaissances aussi, donc ça a parlé. Et ça a commencé comme ça, en fait. C'est un cheminement qui commence doucement. Et au final, plus qu'on fait la démarche, et plus, voilà. En fait, c'est comme si on monte de grade, en fait. On prie un genou devant le Saint-Sacrement à l'église de Chaudron. Après, voilà, on revient. Et après, au final, on s'y prend. Parce que moi, je voyais que j'ai trouvé ma voie, j'ai la lumière. Et donc, au final, vous voyez. Donc, à faire à mes yeux, c'est monté comme ça, en fait. Et après, après, c'est devenu une habitude. Ça a pris possession de votre vie. Voilà, c'est ça. Pendant 3-4 ans, je me tournais le dos avec ma maman, mon papa, mes frères et sœurs parce que ils suivaient pas ce qu'on faisait. Effectivement, on est ancré après un moment donné. Eux, ils vivent de la mauvaise vie. Nous, on est toujours dans le droit et bon chemin et qu'on essaye d'être le plus droit possible, pas de péché. C'est vraiment suivre une vie chrétienne, mais vraiment, c'est vraiment strict. Voilà, c'est ça. Pas de cinéma, pas de McDo, pas de discothèque, pas de sortie non plus pour dire parce que peut-être on peut être attaqué. Parce que effectivement, si on rentre un peu tard le soir, il y a le mal qui est là pour avoir un accident. C'était le matin, prière, travail, le soir, manger, prière, dormir. Voilà. Et week-end, c'est la messe. Ou sinon, le samedi, moi à l'époque, j'avais ma société athée à Saint-Pierre, je fermais le magasin. Et après, on allait à la prière mensuelle. Après, c'était ça, nos seules sorties. Après, voilà, on était à la maison. Après, pareil, il y avait d'autres lieux de prière. Donc après, nous, on y allait aussi chez des gens, groupe de prière. Pendant plus de 10 ans, ce sera le quotidien de cet ex-adepte de Marie Porte du Ciel. Une vie sous l'emprise et l'autorité d'un homme, Augustin Valencourt, et de sa famille. Aujourd'hui, le présumé gourou continue à nier toute dérive sectaire de son association catholique. Pourtant, l'homme qui témoigne raconte une emprise mentale. Est-ce un signe ? Durant notre entretien, l'ancien adepte ne prononcera jamais le nom du patriarche. Il disait que par le style de vie actuel, en gros, le Seigneur, le Dieu, est pas content. Ils sont pas contents avec les hommes, entre guillemets. Et que par le style de vie, que si nous, on faisait pas la prière, et si on n'achète pas les statuettes et tout, on sera pas protégé, il y aura des malheurs, il y aura des accidents, des inondations. À l'époque, plus de sorties, parce que me manger au restaurant, ben, c'était interdit. C'était prier le matin, prier le soir. Voilà. C'est ça. Et même quand j'allais voir un prêtre pour me confesser, parce que de base, je suis chrétien de base, lui-même, quand j'ai expliqué ça, il me dit, c'est pas possible. Lui-même, il est prêtre, il fait pas autant de prières par jour, parce que c'était minimum 4h, 4h30 de prières par jour. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais ma société, c'est à 5h30, il fallait être debout. J'habitais à Saint-Usanne, mon magasin était à Saint-Pierre. Faire la route tous les jours, travailler, revenir, et après, le soir, avant de dormir, deux autres prières. Et donc, à un moment, j'en pouvais plus. Après ce moment, à un moment donné, on prend au jeu, parce que on va pas le mal. L'emprise qu'il a, on le voit pas. C'est tellement bien fait, tellement bien machiné que on s'y prend. Par exemple, on s'est endormi sur une prière, c'est pas parce qu'on était fatigué, parce que c'est le mal qui nous a défendu de faire notre prière parce qu'on s'est endormi. Après, un petit exemple simple, on roulait sur la route et ma galet avait été fêlée. Non, c'était même pas galet, c'était un pigeon. Tout de suite, il fallait aller là-haut, voilà, c'est le mâle qui a... C'est pas un pigeon, hein, c'est le mâle qui a envoyé ce pigeon pour taper contre ma vitre, pour me faire un accident, pour... Vous voyez, c'est... Mais tout était manifesté. Voilà, du mal, voilà. Et donc, du coup, on s'y prend. Effectivement, on s'y prend. J'ai joué les jeux, il faut dire. J'ai acheté les statuettes parce qu'il fallait prendre, parce que effectivement, qu'on a eu des problèmes personnels, tout le monde a des soucis, de toute façon, mais voilà, lui, il joue là-dessus. Et beaucoup sur les médias aussi, c'est-à-dire les actualités. C'est-à-dire qu'il y a un truc de l'actualité, un feu ou un attentat, c'est tout ce moment, si là, il va dire, ah oui, il y a un attentat bientôt il y aura la Réunion, donc protégez-vous. Et là, les gens vont dire, ah oui, effectivement, il a raison, parce qu'il y a effectivement, il y a des attentats, il y a des inondations. Quand il y a eu le tsunami, parce qu'il avait prédit qu'il y avait une inondation, et comme par hasard, effectivement, il y a eu le tsunami, tout le monde là, tout dit, ah effectivement, vous voyez, qu'ils disaient pas n'importe quoi, que voilà, c'est des faits qui vont arriver, et ça, c'était pour nous prévenir, et que maintenant, il faut prendre ce chapelet, faire de prix quotidienne. Et c'est comme si, comment dire, vous allez faire une manicure ou voilà, vous vous sentez bien, vous vous dites, et pareil, quand vous faites un chapelet, vous vous dites, ah, on se sent bien au final, parce que c'est psychologique, vous voyez, c'est comme de tout, vous faites du sport, vous êtes bien, parce que de votre tête, ah, on a décompressé, on a transpiré, et là, c'est la même chose, parce que c'est une prière, qu'on a fait un rosaire, on est resté 2 heures, voire 2h30 à genoux, on a fait un effort, on a pris sur nous, on a souffert, c'est comme une délivrance au final, pour dire que voilà, on est vraiment dévidé de tout mal, c'était jamais assez. Après, pareil, il fallait faire des jeûnes 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. C'est beaucoup ça? Oui. Ces jeûnes, c'est pas de 6h à 18h, rien de la journée. Toutes les semaines, c'est 3 fois par semaine. Et après, une fois, il fallait que je faisais une neuvaine de jeûnes, pareil. Justement parce que pour que mon magasin marche mieux, pour que je suis protégé, il y aura de la clientèle qui va venir. Et en fait, vous prenez au jeu. Comment vous dire, c'est une comme d'habitude. Et dans les habitudes des adeptes du groupe Marie Porte du Ciel, il y a les achats d'objets religieux à des prix exorbitants. Les fameuses statuettes, on a acheté effectivement à des prix qui étaient un peu chers à l'époque. Je suis allé un petit peu renseigner et tout, c'était moins cher. Et lui, il proposait que oui, c'était pas bon parce que c'était mal fait, c'était déjà les gens qui faisaient, c'était pas forcément des chrétiens. Et que voilà, il y a toujours un truc pour dire que. Donc on était un petit peu obligé de prendre avec lui. Effectivement, lui, il n'obligeait pas les gens. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais en fait, c'est quand il faisait, après la prière, il faisait une réunion, un speech. Et là, ce qu'il disait, oui, il y aura des attentats, il y aura des maisons qui vont brûler, on sera bientôt la fin du monde. Voilà. Et donc, c'est les gens, psychologiquement, vont prendre ces statues pour être protégés dans leur maison, leur famille et tout. Donc, à la sortie, les gens faisaient la queue pour acheter des statuettes, les chapelets, les croix et tout. Et vous, par exemple, vous en avez acheté combien ? 5 à la maison, 4 à mon entreprise. La dernière, quand j'ai pris, j'ai eu pour facilement 1200 euros les statuettes. À la maison, c'était plus de 2000 euros quand même. Et après, le dernier truc où j'ai mis un frein, c'était une crique. Il fallait faire une crique dans notre cour. une crique avec des statuettes dedans. Comment dire, c'était un acte obligé après à un moment donné de dire ben, s'il fallait ça. C'est, même si on n'avait pas de sous, on économisait ou on empruntait pour acheter, même pour les voyages organisés, ce qu'ils faisaient. Je connais qu'il y a des gens qui se sont endettés, ils ont emprunté de l'argent parce qu'il fallait absolument partir, parce qu'il y avait des grâces à avoir. Et voilà, s'ils ne partaient pas, ils perdaient des grâces. Il fallait donner. On était obligé de donner. Vous parliez de voyages organisés, on peut y revenir. Ça, c'est quoi ces voyages organisés? En fait, les voyages organisés, c'est tous les ans, ils faisaient ça. À Jérusalem, à Bethléem, comme celui qui est organisé. Donc, il fallait payer une telle somme. Un voyage organisé, sauf que c'était un pèlerinage. Je ne sais plus, je crois que c'était entre 2000 et 3000 euros par personne. Enfin, Vous en avez fait? Non. La personne avec qui j'étais, elle a fait. Avec ses parents, et j'ai donné des sous moi personnellement pour payer, parce que il n'y avait pas les moyens, pas forcément les moyens, mais comme on disait que voilà, si on n'allait pas, il n'y aura pas de grâce, donc les gens ils sont déjà faibles, qu'ils entendent ça, tout de suite, voilà, c'est vrai que c'est un sacrifice, mais au final, avec la grâce qu'on aura, on pourra être mieux ou guérir ou voilà. C'est ça en fait, le but c'était de faire croire aux gens qu'il y aura des grâces à voir, ou sinon un malheur, si vous n'allez pas, et voilà. Et le plus grand malheur, prédit et brandi par le couple Valencourt, c'est la fin du monde. Cet ex-adepte de Marie Porte du Ciel y a cru. Il y aura d'abord des signes. Donc les signes, c'est le feu, l'eau, des catastrophes naturelles. C'était des signes qui annonçaient la fin du monde. Donc effectivement, quand vous regardez les actualités, comme je reviens dessus, il y en a ça tous les jours. Là maintenant, il y a des attentats et des guerres. Il avait déjà dit qu'il y aura des guerres, il y aura des attentats. À aucun moment, il a dit qu'il faut se préparer à... Si. Ah si, non. Si. Enfin, je reviens. S'il avait dit qu'il fallait préparer, il fallait mettre en stock des bougies, du sel et de l'huile. Oui, effectivement, il avait dit que il y aura, c'est pour bientôt et que maintenant, il faut stocker des bougies bénies, du sel, de l'eau et de l'huile. Parce que c'est le seul truc qui va rester sur Terre et de la farine pour faire du pain parce que voilà, on va retourner à l'âge de pierre, entre guillemets, et il fallait stocker ça chez nous. Nous, on serait les seuls à être épargnés. Avec des allumettes aussi, des allumettes bénites. Comme là, il y aura les ténèbres pendant une semaine, enfin je sais plus, c'est 3 jours, au 4e jour, il y aura des ténèbres. Il faut une lumière pour justement se protéger. Et tous les gens qui n'auront pas, ils vont périr parce que Dieu a dit que voilà, il y aura une sélection. Voilà. Il y aura une sélection et la sélection, c'est nous et nous on va rester. Les autres vont mourir quoi. Effectivement, j'ai stocké. Et on a fait un super stock, et même de la conserve à un moment donné, au cas où. Mais vous y avez cru quand même. Oui, ouais. Sa foi inébranlable et sa fidélité en Marie Porte du Ciel vont durer 10 ans, jusqu'au déclic, en 2013. Son couple, avec une adepte du groupe, va mal, lui aussi. Il prend alors la décision de quitter la communauté. La fatigue, et ensuite la vie de couple, déjà on ne s'entendait plus depuis un moment. Et le déclic est venu de là en fait, c'est le trop de trop. À chaque fois qu'on donnait, il fallait rester encore en plus, et jamais c'était bon au final. Vous êtes sorti depuis 2013 de la communauté. Aujourd'hui, votre regard sur ça? Moi, ce que je reproche, en fait, c'est les sous qu'il a pris. Parce qu'il disait que les statuettes qu'il vendait, lui, il n'arrivait rien dessus. C'est qu'il vendait pour quelqu'un. Voilà, lui, en tant que chrétien déjà à la base, mentir aux gens, au temps, c'est vraiment... Voilà. Et les gens avaient confiance, c'est tout ça. Franchement, moi, ça m'aurait moins affecté, disant que voilà, c'est normal, on vend quelque chose. Alors, automatiquement, on a quelque chose dessus, faut le dire. C'est normal, parce qu'on part à la messe, on a une quête, on donne ce qu'on veut, et c'est pour l'église, on le sait de toute façon. Mais pas, voilà, c'est vraiment pour cacher, pour dire que c'est pas pour lui, c'est pour... Voilà, non, il a menti, quoi. Moi, ce que je reproche, en fait, c'est les gens qui n'avaient pas de sous à l'époque, où ils faisaient un peu de pression pour dire, voilà, il faut ça, et retrouver autant d'argent avec son fils ou chez lui, avec les voitures qu'il avait. Et pareil, une fois, j'ai dit, moi, je suis fan de voitures. J'ai dit, c'est bizarre, parce que nous, on n'avait pas le droit. Alors, tout ce qui est bien matériel, pareil, bien matériel, c'est pas bon. Mais par contre, lui, il avait deux grosses BM dans sa voiture, dans sa cour. Et à un moment donné, je vois ça, je dis, c'est bizarre. Lui, il a droit à avoir. C'est quoi, ça, c'est pas un bien matériel, c'est quoi? Après, dit, oui, comme il est retraité, le gendarme retraité, et sa femme est retraitée aussi. Ouais, donc, ils ont un peu de moyens quand même, leur retraite, soi-disant. Voilà. Ça m'a interpellé, mais pas plus que ça. Et par contre, pareil, à quelqu'un à qui j'en veux beaucoup, c'est à son fils, le prêtre. Voilà. Parce que lui, il a fait le sacrement, il y a eu le sacrement. Par rapport à un chrétien, on respecte. Et voilà, lui, franchement, je ne le voyais pas comme ça. Trouver chez lui autant de matériel, plus ou moins de luxe, on va dire. Là-dessus, il mentait tout le temps là-dessus. Ils ont tenu. Lui, ce qui l'intéressait, c'est les prières. Les gens viennent chez lui, justement, avec bon cœur, pour les aider, pour là. Finalement, il n'y a pas de bon cœur. Non. non, voilà. Mais moi, je ne voyais pas le mal à l'époque. Pour moi, c'était normal. Voilà, il fallait aimer cette vie-là pour être bien, et au final, non. Alors, je dirais que tout ce que j'ai entendu, c'est le cas type de l'embrigadement, de l'emprise mentale au maximum. Maïté Malek Rassoul est la présidente locale de l'ADEFI, l'association de défense des familles et de l'individu victime de secte. L'association a été créée en 2015 à La Réunion, mais elle existe depuis 30 ans dans l'Hexagone. Et depuis 30 ans, ses membres accompagnent et surtout écoutent les victimes de mouvements sectaires. Depuis l'arrestation de la famille Valencourt et la mise en lumière des pratiques au sein de Marie Porte du Ciel, Maïté Malek Rassoul n'a eu aucun contact avec les adeptes du groupe. C'est donc avec beaucoup d'intérêt qu'elle a écouté le témoignage de l'ex-adepte. Ce monsieur a dit qu'il n'était pas très bien. Il est rentré, il était croyant. Il a cru tomber dans un groupe de prière tout à fait honorable, comme il y en a beaucoup. Et malheureusement, on l'a embrigadé dans des choses qui sont totalement impensables. On lui a fait croire des tas de choses, qu'il allait y avoir des catastrophes, qu'il allait y avoir des attentats, que ça allait mener à la fin du monde. On l'a mis dans un état de suggestion, d'abord par des pratiques de jeûne. Les jeunes, si on veut en faire, ça doit être très surveillé, très cadré et surveillé médicalement. Ce qui n'est pas le cas là ? Certainement pas. 3 fois par semaine et des neuvaines. Alors, il n'a pas dit exactement comment il faisait ce jeûne, est-ce qu'il buvait en même temps. Mais il peut y avoir des répercussions sur la santé, notamment au niveau des reins si on ne boit pas. On lui a promis la lumière, on lui a donné des statuettes à acheter. Il semblerait qu'il n'y ait pas de dons, alors que souvent dans les mouvements sectaires, il y a des dons. On donne à peu près 10% de son salaire. Bon. Ce n'est pas le cas, là. Ce qui n'est pas le cas. On l'obligeait, disons, à acheter des statuettes qui apparemment étaient de plus en plus chères. Moi, je dirais qu'ils ont atteint le summum de l'embrigadement. Bon, les gens n'étaient pas enfermés. C'est la seule chose qu'on pourrait lui reconnaître. Il ne les a pas enfermés avec une clôture. Mais maintenant, l'enfermement mental a été à l'extrême. Alors, il faut bien se dire que le gourou, c'est quelqu'un qui est un peu pervers, même beaucoup, et qui va embrigader quelqu'un en face parce qu'il le sent dans un état de faiblesse. Donc ça peut être un état de faiblesse, c'est quand vous êtes mal dans votre peau, que vous avez des soucis que vous n'arrivez pas à résoudre, vous avez un entourage familial qui ne vous aide pas, que vous avez des soucis dans votre boulot, que vous avez pour des adolescents, par exemple, des mésententes avec les parents. Tout ça, ça constitue un état de faiblesse qui est actuellement en justice et réparable par l'article de la loi de Catherine Picard concernant l'abus de faiblesse. On peut être condamné pour avoir profité de gens par un abus de faiblesse. Maïté Malek Rassoul fait ici référence à la loi du 12 juin 2001 qui tend à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Et pour la présidente de l'ADEFI, Marie Porte du Ciel présente de nombreux signes d'emprise sectaire. Les signes, eh bien, ça a été l'état de faiblesse qui a été exploité au maximum. C'est la prise de pouvoir d'un individu sur un autre et d'un groupe sur d'autres individus. C'est le pouvoir de l'argent qui est excessivement présent. Voilà. Alors, il faut maintenant voir le côté positif de l'affaire. Ce monsieur en est sorti et grand bien lui fasse, parce que pour en sortir, c'est quand même extrêmement difficile. Mais il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres dans le désir de partir. Intuitivement, il y en a qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faudrait avancer sur une autre voie. Le chemin se fait dans leur tête. Autant il s'est fait pour l'embrigadement, autant il va se faire à l'envers pour qu'ils arrivent à sortir. Et jusqu'au déclic. Alors, nous, on parle toujours de déclic parce que c'est le, ce que j'appelle, moi, le doute. Si vous avez un doute, si petit soit-il dans votre tête, cultivez-le jusqu'au point où il deviendra énorme et il vous fera voir que vous faites fausse route. Le chemin du doute, c'est un pas que peu de victimes de sectes franchissent. L'ex-adepte de Marie Porte du Ciel s'est tu longtemps emmuré par la honte. La honte, dit-il, de s'être laissé berner. Surtout, surtout pour les adeptes, ne pas avoir honte de venir en parler. Nous, à l'ADFI, c'est notre rôle essentiel. Nous essayons d'écouter au maximum et à partir de là, orienter les gens vers la justice, vers les soins, c'est-à-dire les psychologues, les psychiatres éventuellement, ou tout simplement un médecin de médecine générale, ou ça peut être aussi un prêtre qui va aider spirituellement. Mais il ne faut pas rester, même si on en est sorti, il faut absolument avancer et essayer de se reconstruire avec les armes qu'on peut vous donner. L'ex-adepte de Marie Porte du Ciel, il disait, on est presque à la deuxième génération, ce sont des enfants qui ont grandi dans ce groupe de prière. Est-ce que c'est plus compliqué quand on a grandi dans la secte? Il semble, oui, que ça soit plus compliqué et qu'il y ait une espèce de formatage de l'esprit. Et on sait que les enfants, on peut facilement les manipuler, leur faire croire des tas de choses qui ne sont pas vraies. Donc, il faut être extrêmement prudent avec des enfants et il faut être extrêmement prudent dans la déconstruction de tout ce qu'on a pu leur mettre dans la tête. C'est le renversement de la vapeur. Il faut absolument qu'on déconstruise. La personne qui est entrée dans le mouvement a eu ses valeurs détruites au profit des valeurs de la secte. Maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut déconstruire ce qu'a fait la secte pour reconstruire à des valeurs tout à fait normales. Le processus de déconstruction sectaire va dépendre du temps passé dans le mouvement ou le groupe, de la personnalité de la victime, de sa volonté, de son entourage. Le chemin est long, très long. Bruno Raffi, avocat et délégué régional du Centre contre les manipulations mentales. Parce qu'il a été programmé mentalement pour avoir une attitude à l'extérieur et une attitude à l'intérieur. Et même s'il est maintenant à l'extérieur, il est sorti du système, il a toujours ça qui a été mentalisé dans sa tête. C'est nous la vérité, c'est nous le bien, et tout à l'extérieur c'est tout mal. La société est pourrie, ta famille est pourrie, ceux qui sont contre nous sont encore plus pourris parce qu'ils nous laissent pas tranquilles. On appelle ça l'engrais, on est engrammé. C'est le fondateur de l'église de Scientologie, la Dianétique à l'époque, avait parlé d'engrammement. Il engramme des choses dans la tête, c'est-à-dire il met des petits grains de perversion, entre guillemets, de perversion. Enfin, c'était la lumière pour lui, hein. C'était sa lumière financière. Il engramme les esprits pour que, ad vitam aeternam, il soit dévoué à sa cause. Lafayette, Ron Hubbard, le fondateur de la Dianétique, qui est devenue une église depuis, mais combattue par les autorités françaises et interdite. Le Centre contre les manipulations mentales collectionne les récits sur les sectes, répertorie les modes de fonctionnement des mouvements sectaires, avec une unique mission, prévenir le grand public sur les dangers des sectes. Pour Bruno Raffi, certains signes ne trompent pas. Les signes, c'est une radicalisation dans le discours, c'est un mode de fonctionnement et de comportement tout à fait différent par rapport à avant. C'est de dire, par exemple, le groupe a raison, l'extérieur c'est le diable, l'extérieur a tort, c'est de se couper de ses racines familiales, c'est d'exclure, par exemple, les visites habituelles qu'il y avait avec des membres de la famille, c'est de tout mettre et de tout œuvrer, tout focaliser sur le nouveau groupe. Ce sont des signes de la part des victimes, hein, de la part des adhérents. Après, de la part de ceux qui parlent, ou ceux qui ont la main mise sur ce groupe, c'est leur train de vie, c'est leur façon autoritaire d'imposer les choses. Il n'y a qu'une vérité, c'est la nôtre. Le but, vous savez, je crois, depuis la nuit des temps, c'est le contrôle des âmes, hein. Le contrôle des esprits, on va dire les contrôles des personnalités, on va être plus laïque, des contrôles des personnalités, des destinées des gens. Hein. Est-ce que Marie Porte du Ciel, est-ce que c'était du secte dangereux? Oui, elle fonctionnait et elle a fonctionné de manière sectaire. Maintenant dangereuse, il faudrait interroger, faire le bilan de chaque vie humaine, gâchée ou pas gâchée, peu importe. Maintenant, ce n'est pas une secte à visée criminelle. Vous avez eu des sectes qui ont été utilisées peut-être aussi par certaines entités de l'État, comme l'Ordre du Temple solaire et ainsi de suite, qui ont été beaucoup plus dramatiques dans la vie sociale de la France. La faiblesse globale des entités sectaires, c'est la vérité et c'est l'éclairage que peuvent donner au plus grand public les personnes qui s'y connaissent un peu dans la matière. C'est-à-dire plus on donnera d'informations sur leur mode de fonctionnement global, sur leur façon de recruter, sur leur façon de maintenir en état d'esclavage nos concitoyens, moins ils auront de pouvoir demain. Ces renseignements indispensables pour lutter contre les sectes arrivent souvent aux oreilles de Bruno Raffi par le biais des familles. Alors les familles peuvent très bien alerter d'une personne en danger. Elles peuvent très bien dire, ma fille, c'est une mineure, il n'y a pas de problème. Mais même mon parent, mon conjoint est en danger, le signaler. Après, chacun est libre d'adhérer. Si c'est une personne majeure, elle est libre d'adhérer. Maintenant, les familles ont tout à fait le devoir citoyen de dire, j'ai un problème dans ma famille. Ma famille adhère à tel mouvement, à telle entité. Je tiens à signaler que pour moi, à mes yeux, à moi, elle est en danger. Après, ce sont aux autorités de faire une enquête pour savoir si ces entités ne sont pas hors la loi. Il y en a qui ont été décrétées hors la loi. Ou si elles ne sont pas en mesure de s'enrichir sur le dos ou sur l'ignorance des gens. Alors moi, j'avais eu à l'époque des signalements sur ce petit groupe spirituel particulier parmi d'autres. Hein. Je n'avais pas eu de dénonce spécifique, mais j'ai eu, depuis l'arrestation du gourou qui depuis, enfin j'appelle ça un gourou, hein, un maître à penser, un professeur, un directeur de conscience, peu importe, hein, depuis cette affaire-là, oui, j'ai eu des signalements plus précis. Alors les premiers signalements ne sont pas des signalements qui étaient corroborés par des éléments comptables ou des éléments, si vous voulez, d'appréciation neutre. C'était des signalements plus de mécontentement, de ne plus faire partie de l'élite du groupe, mais le parquet avait déjà des éléments de fond. Et il a eu des éléments de fait qui lui ont permis d'actionner et de mettre un frein à cette dérive. Parce que, quoi qu'on en dise, même si les gens sont compatissants, sont d'accord, militent pour ce groupe-là, c'est une dérive d'emprise mentale et c'est une manipulation en vue d'obtenir des faveurs ou de l'argent de personnes qui, en temps normal et de manière éclairée, ne l'auraient jamais fait. C'est un dossier à tiroir, puisqu'il y avait un peu d'église catholique qui était un peu mêlée par l'appartenance de l'un des membres ou l'un des prédicateurs à l'église catholique officielle. C'était donc curé. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Vous savez, des fois, quand il y a des entités importantes qui sont en jeu, non pas qu'on étouffe l'affaire, mais on laisse un peu venir, on laisse du mou. Mais là, ce sont des personnes qui ont porté plainte pour des détournements d'argent, semble-t-il, d'après ce que j'ai su. En tout cas, les autorités ont décidé de mettre un frein à ces activités-là. Parmi les autorités locales chargées de mettre un frein au groupe sectaire, Patrick Bonfils, l'inspecteur de la jeunesse et sport, a été désigné pour être le référent de la Miviludes dans l'île. La Miviludes, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, coordonne depuis une quinzaine d'années les moyens d'action des services de l'État. Patrick Bonfils surveille donc les dérives et les phénomènes de radicalisation dans le département. On a souvent à l'origine un signalement, ou ça peut aussi être une visite impromptue, puisque nous sommes habilités à aller visiter les associations. Souvent, la secte, au départ, est une association. Et donc, nous, inspecteurs jeunesse et sport, c'est notre travail d'aller régulièrement voir ce qui se passe dans les associations, pour voir si c'est bien géré, et ainsi de suite. Et souvent, des indices sont assez visibles par des affichages et des choses comme ça qui commencent à nous alerter, et une enquête discrète est menée. C'est toujours de la discrétion, bien évidemment, parce que, en vertu justement de cette loi 1905, sur la laïcité, hein, on ne peut pas interdire aux gens de croire. On peut croire à ce qu'on veut. Il y en a qui croient aux petits hommes verts et qui ne sont pas dangereux, qui ne sont pas forcément des sectes. Par contre, il y en a qui croient aux hommes verts, comme la scientologie, et qui sont, par contre, très dangereux d'un point de vue comportemental et social. Toute la difficulté pour les acteurs publics, la justice, les associations est d'alors d'apprécier la dangerosité des groupes. Dès 1998, l'évêché de La Réunion a mis en garde contre Marie Porte du Ciel dénonçant les guérisons et les icônes miraculeuses. Une mise en garde que l'évêque renouvellera à 3 reprises. Mais il faudra attendre 2013 pour que les choses bougent. Les médecins de l'hôpital de Belle-Pierre prennent alors en charge un enfant de 13 ans. En souffrance psychologique, l'enfant fait état de restrictions de liberté. Ses parents sont des fidèles du groupe. D'autres témoignages suivront et aboutiront 2 ans plus tard à l'arrestation du leader de Marie Porte du Ciel et de sa famille. Autre exemple, celui de la secte Cœur douloureux et Immaculé de Marie. À maintes reprises, des signalements alarmants sont donnés sur le groupe créé en 2002 par Juliano Verbar, dit Petit Lys d'amour. Le mouvement est désavoué par l'évêché, mais les apparitions de la Vierge se poursuivront jusqu'en 2006. Le gourou purge aujourd'hui une peine de prison pour viol sur mineur, enlèvement et évasion. Enfin, plus récemment, l'affaire Papa Sané. Le gourou sénégalais hébergeait dans sa maison de Saint-Louis 17 jeunes filles et jeunes femmes. Elles se disaient ses disciples. Ce sont les familles, inquiètes d'un départ imminent de leur enfant vers le Sénégal, qui vont tenter, par la force, de les soustraire à l'autorité du gourou. La justice vient de condamner Papa Sané à 16 mois de prison pour abus de faiblesse avec interdiction de séjour à La Réunion. La difficulté pour les acteurs engagés dans la lutte contre les sectes est donc de déterminer à quel moment un groupe ou un mouvement dérive. En droit français, il n'existe aucune définition juridique de la secte, pas plus qu'il n'y a de définition de la religion. Le législateur respectueux des croyances et au nom du principe de laïcité a toujours refusé de définir les notions de secte et de religion. Pour aider à déceler l'influence sectaire, la Miviludes a alors dressé une liste exhaustive des signaux d'alerte. Le mot secte a deux origines. Le premier veut dire suivre et le deuxième veut dire couper. Coupé de l'église traditionnelle, on va dire. Patrick Bonfils est le référent de la Miviludes dans l'île. Pour ce qui est de ce groupe, les deux étymologies s'appliquent. On a bien des suiveurs qui suivent une forme de gourou et on a bien quelque chose qui se sépare de l'église traditionnelle. Donc le mot secte s'y applique. Alors après, la secte, dans le terme qui nous intéresse, a d'autres critères pour définir sa dangerosité. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus délicat, puisque la loi française ne prévoit pas une définition très stricte et encadrée de la problématique sectaire. Ce qui nous pose d'ailleurs un gros problème pour surveiller des groupuscules qui seraient en dérive. Il y a une définition dans le dictionnaire, mais pas de définition juridique. Pourquoi pas de définition juridique ? Ben, tout simplement, c'est lié à notre Constitution française et surtout à la loi de 1905, qui garantit la liberté de culte et de croyance. Et ce cadre donc très libertaire ne nous permet pas de dire à telle ou telle personne « vous n'avez pas le droit de croire en ceci ou en cela ». Et donc, la loi ne peut se baser que sur des dérives potentielles qui pourraient toucher à l'intégrité physique ou morale de la personne, principalement des enfants pour ce qui nous concerne, des jeunes, qui pourraient toucher évidemment à son intégrité financière par des dons excessifs ou une spoliation de ses biens, qui pourraient toucher effectivement aussi à la sécurité publique. Des sectes qui sont apocalyptiques et qui vont quasiment se radicaliser ensuite. On ne peut pas parler de secte juridiquement parlant, alors, on va parler de dérive sectaire. On va parler de dérive sectaire où effectivement nous allons nous axer sur des indices, certains faibles et certains plus forts bien évidemment, qui vont nous permettre de voir si les personnes qui sont dans ces croyances sont sous influence ou ils sont de leur plein gré en toute connaissance de cause. Alors, les indices les plus significatifs pour nous et qui vont nous intéresser, surtout sur la jeunesse, ça va être par exemple une déscolarisation subite d'un enfant, où là on va commencer à se poser des questions, bien évidemment. Ça va être des changements comportementaux flagrants. Un repli sur soi ou, au contraire, quelque chose d'assez exubérant. On pense aux sectes Krishna, par exemple, qui vont dans la rue et qui, d'un seul coup, se montrent dans des manifestations plus ou moins authentiques de foi. On va avoir aussi des éléments sur des comptes en banque qui vont se vider ou des donations aberrantes de maisons ou de biens à un groupuscule. Où là, on commencera à s'inquiéter évidemment d'un côté fiscal déjà pour commencer. C'est souvent comme ça que ça s'attaque les sectes hein, par le fisc et sur effectivement la réalité de la donation consentie ou non. Nous allons avoir aussi des changements comportementaux alimentaires, par exemple, qui pourront aussi nous alerter. Et puis, bien évidemment, des propos apocalyptiques ou des adorateurs de l'oignon, parce qu'on a vraiment de tout dans le domaine sectaire. De tout et du n'importe quoi, souvent. À La Réunion, on entend parler, Marie, porte du ciel, petit lys d'amour, on voit toute une profusion de mouvements évangélistes aussi. Est-ce qu'à La Réunion, il y a une vigilance, une surveillance particulière, un terrain propice ? Oui, je dirais même que sur toutes les îles, c'est un peu comme ça. Les milieux clos sont des milieux qui sont très favorables à la dérive sectaire, et les milieux très fortement évangélisés à une certaine époque sont aussi très favorables. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'on est dans des milieux fermés, avec des gens qui se côtoient en permanence et très influençables les uns par rapport aux autres. Ici, on a en plus un melting pot de religions qui sont arrivées sur cette île et de croyances différentes qui font que toutes les religions sont représentées dans leurs dérives. On a des groupes quelle que soit la religion, qui présentent des dérives sectaires et qui sont actuellement sous surveillance. Nous faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de difficultés, entre autres pour nous, ce qui nous concerne, chez les enfants. Toutes les religions ? Toutes les religions sont concernées ici. On a des dérives sectaires aussi bien chez les catholiques que chez les hindouistes, que chez les musulmans. Et pour l'instant, on n'a rien du côté de la religion juive. Mais de toute façon, la secte avance masquée, donc ce n'est pas forcément simple. Mais on a des suspicions sur plusieurs mouvements actuellement qui sont sur surveillance. Patrick Bonfils, taira le nom de ces groupes sous surveillance. Même discrétion de la part de Bruno Raffi du Centre contre les manipulations mentales. Mais l'avocat voit dans la multiplication des mouvements sectaires un phénomène plus général. Je crois que c'est pas seulement à La Réunion, hein. Nous sommes à l'époque des faux prophètes, nous sommes à une époque presque eschatologique dans le sens chrétien du terme, c'est-à-dire de révélation, et partout fleurissent des groupes, des individus qui ont tout intérêt à redonner un peu de sacré dans notre monde qui s'est un peu désacralisé, de manière volontaire aussi avec des mouvements d'athéisme, de négation du spirituel et ainsi de suite, de négation de Dieu tout simplement. Et donc partout, et y compris à La Réunion qui est une île, qui a un phénomène de multiculturel important, qui a beaucoup d'animisme aussi dans ses approches de la vie, c'est normal qu'à La Réunion fleurissent un certain nombre de groupes, surtout évangéliques, surtout rassembleurs, avec cet esprit de famille créole, où on chante, où on partage, et on peut avoir de tout, on peut avoir des groupes tout à fait bénéfiques, hein. il en existe, des groupes évangéliques tout à fait bénéfiques, d'autres qui sont limiques évangéliques en apparence, mais qui dérivent, et puis après des groupes comme celui-là, qui étaient des groupes familiaux structurés, pyramidaux, de récolte, d'après moi, c'est mon point de vue, de récolte d'argent facile. Et on n'a qu'à voir les sommes qui ont été saisies, qui ont pu être découvertes, et de voir que des malheureuses personnes, qu'elles le veuillent ou non, ont été victimes. Après qu'elles le disent, je suis victime, ce sera un pas à franchir pour elles. Qu'elles se reconnaissent victimes, c'est un autre pas à franchir. Mais en tout état de cause, l'État et les autorités ne peuvent pas rester insensibles et les bras ballants devant ces choses-là. On l'a entendu, les autorités ne restent pas les bras ballants. Elles surveillent, enquêtent dans les limites imposées par la loi. Épaulées par le travail des associations, elles informent aussi le grand public des dangers des sectes et sur les moyens de les détecter. Car aujourd'hui, les sectes, comme le diable, se cachent dans les détails. Vous savez, vous avez plein d'entités de développement personnel, d'aide au travail, de prise en compte des loisirs de certaines grosses administrations de La Réunion qui sont drivées par des entités à tiroir de certaines grandes organisations internationales. Comme quoi ? Oh, bah, écoutez, je ne veux pas vous donner de nom parce que je suis lié au secret professionnel, mais il faut regarder un peu quand des personnes viennent faire des cours de session de formation pour les entreprises, où est-ce qu'elles sont allées avant ? Si elles sont allées au Québec avant, et si elles ont fait un petit tour par Maurice, posez-vous des questions d'où elles viennent. Alors, comment se protéger des sectes ? Que faire si un proche tombe entre les griffes de l'une d'entre elles ? La première réponse, c'est de ne pas le juger. La première chose, c'est déjà de rester en contact avec lui. Ça, c'est la première chose. Souvent, les personnes qui sont en dérive sectaire sont des personnes qui sont fragilisées psychologiquement, qui sont isolées et qu'il va falloir accompagner et entourer. Donc, il faut, le premier geste, quand on voit ces dérives chez quelqu'un, c'est d'être au plus proche de lui, de rester très très proche de lui pour ne pas couper le contact et éviter effectivement qu'il ne parte définitivement dans la secte. Le deuxième point, c'est effectivement d'être en situation d'alerte. Pour les mineurs, vous avez bien évidemment tous les systèmes d'alerte qui sont Jeunesse et Sport, l'éducation nationale, les dispositifs qui sont là autour de la jeunesse et qui doivent être mis en alerte immédiatement avec l'aide des associations qui vont vous accompagner pour savoir à qui on doit s'adresser pour qu'on puisse faire les surveillances d'abord sur l'organisme sectaire et qu'on puisse prendre en charge psychologiquement la personne qui, elle, est en train de s'enfoncer dans ces dérives sectaires. Pour les adultes majeurs, la liberté des opinions, de croyances. Exactement, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut réussir à montrer que la secte agit en abus de faiblesse. Et ça, c'est assez complexe à démontrer en termes légaux. Et là, il faut se faire aider. Vraiment, il faut être avec un avocat, avec un pénaliste, un juriste qui connaît ces problématiques sectaires, venir prendre des renseignements auprès des associations donc, qui sont dans cette problématique-là, et puis alerter bien évidemment la police, la gendarmerie qui eux vont faire des enquêtes discrètes pour voir ce qu'il en est réellement de ses abus de faiblesse. C'est souvent compliqué de faire des témoignages contre... Oui, c'est compliqué, c'est très compliqué parce que il faut prouver la faute ou la dérive ou l'endoctrinement ou la prise de possession de biens d'autrui ou... Alors il y a des sectes, c'est beaucoup plus simple quand c'est des viols d'enfants systématiques ou quand c'est des orgies ou des... Bon, ça c'est assez simple à démontrer et il y a beaucoup de sectes en France qui ont été interdites à cause de ça, les enfants de Dieu par exemple ou des choses comme ça, mais en général c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et il y a des procès retentissants et qui sont encore inscrits dans la durée sur des sectes qui sont inscrits sur les listes actuellement du Parlement français comme étant reconnues comme sectes, mais pour lesquelles on a du mal à prouver la dérive et l'endoctrinement de ses membres. Alors, on attaque sur le plan financier, c'est ça souvent ? Alors souvent, c'est le plan fiscal qui va nous permettre d'avoir des sorties parce que la majorité des sectes sont quand même là pour enrichir quelque peu les gourous. D'ailleurs, Ron Hubbard, qui a fondé la Scientologie, a dit « Mon métier d'écrivain ne me rapporte pas assez, je vais fonder une secte ». Et il l'a fait. Et il a gagné beaucoup plus d'argent avec sa secte qu'avec ses livres de science-fiction à l'époque. Et donc, effectivement, le point de vue fiscal est certainement un des angles d'attaque sur lequel on arrive le plus à pouvoir déstructurer ces sectes et ces mouvements sectaires. L'argent, c'est aussi la cause de la chute du gourou de Marie Porte du Ciel et de ses proches. La petite secte en famille s'était bâtie un paradis sur terre grâce aux milliers d'euros de ses adeptes. Désormais, la voilà au purgatoire des hommes. 3 ans après avoir refait sa vie, loin du groupe de prière, l'ancienne adepte de Marie Porte du Ciel confie vivre encore sous la peur d'une prière oubliée, d'une consigne non respectée. Pour autant, il refuse de demander justice. Personnellement, je ne vais pas le juger de dire voilà, c'est non, moi je pourrais pas. Il m'a jamais rien fait, c'est juste qu'il a pris près des sous, mais s'il a abusé des gens, c'est sûr, il sera jugé. Je laisse tout dans la main du Seigneur. C'était donc Daniel Dambreville qui nous emmenait dans les coulisses de Marie Porte du Ciel. Prochain numéro du magazine de la rédaction, ce sera mercredi après le journal de 18h et puis en rediffusion vendredi prochain après le journal de midi. Dans quelques instants, la chronique écho avec Tessa Gromann. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Du 16 au 25 septembre prochain, Sillaos devient cirque d'inspiration et de création. Exposition, contes, stages artistiques, réalisation d'une BD géante, ateliers, comédie musicale et concerts seront au programme durant ces 10 jours. Suivez tout le programme de la 13e édition du Sillaos Art, organisée par Destination Sud Réunion, en collaboration avec l'Archipel des métiers d'art et la ville de Sillaos, sur Réunion Première, en direct du cirque de Sillaos, les samedis 17 et 24 septembre, ainsi que les mardis 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre. beauté Thierry. Allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous t'en as où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Première. Première. La chronique écho, Tessa Gromagne. L'explosion a eu lieu le 1er septembre dernier sur le pas de tir de Cap Canaveral. En quelques secondes, la fusée Falcon 9 s'est désintégrée, tout comme le satellite de télécommunication israélien d'une valeur de 285 millions de dollars qu'elle devait placer sur orbite. Cet accident de fusée est le deuxième en 14 mois pour la société SpaceX, propriété de l'entrepreneur américain Elon Musk. Malgré cela, Gwynne Shotwell, la présidente de SpaceX, a annoncé une reprise des tirs lors de la World Satellite Business Week à Paris. Le 13 septembre. On projette de reprogrammer des lancements courant du mois de novembre après un arrêt de 3 mois. Depuis 3 ans, la société SpaceX casse les prix sur le marché des lanceurs avec des tirs facturés en moyenne 62 millions de dollars. Elle avait encore 8 tirs de programmés sur son carnet de commandes avant la fin de l'année. Difficile dans ce contexte de tenir le rythme. Interrogé le 7 septembre sur France Info, Stéphane Israël, le PDG d'Ariane Espace, n'écartait pas la possibilité de récupérer des clients de son concurrent américain sur sa base de Kourou, en Guyane. On a un carnet de travail assez chargé pour les 2 années qui viennent. Donc on doit d'abord servir les clients qui ont fait le choix de venir chez nous, c'est bien normal. Maintenant, on peut essayer d'insérer un lanceur de plus sans que cela ne retarde les clients qui sont déjà chez nous. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder. On peut aussi avoir des satellites en retard et à ce moment-là, ça peut créer des opportunités pour d'autres. Et puis nous avons 3 lanceurs, nous avons Ariane, Soyouz et Vega. Et nous pouvons essayer de jouer de la complémentarité entre ces lanceurs pour apporter des solutions. 3 lanceurs dont la fusée Ariane 5, certes très fiable, mais qui coûte 30% plus cher que ses cousines américaines Falcon et russes Proton. Ce ne sera plus le cas pour sa petite sœur Ariane 6, dont la commercialisation a été autorisée le 13 septembre par l'agence européenne. Prévue pour être opérationnelle en 2020, elle sera 40 voire 50% moins chère qu'Ariane 5. De quoi rester compétitif sur un marché des lanceurs de plus en plus concurrentiel. C'était la chronique écho présentée par Tessa Gromann. Après le journal de France Info, on vous prépare une surprise. Alors restez avec nous pour savoir de quoi il s'agit. Et puis vos rendez-vous habituels à 13h30, la rediffusion de l'interview de l'invité de la matinale, le zapping de Jackie, l'actu insolite et puis Connect Première pour tout savoir des innovations technologiques. Ce sera avec Pascal Rizzo à 13h15. Dans quelques instants, donc, le journal de la rédaction de France Info. Il est 13h sur Réunion Première. Voici le journal de France Info. L'info avec Diane Ferchit. Bonjour Diane. Bonjour à tous. 9 personnes blessées, dont une dans un état d'urgence absolu après l'effondrement partiel d'un immeuble à Dijon ce matin. En cause, une explosion qui pourrait être due au gaz. Des peines de 6 mois avec sursis à 2 ans ferme pour les 5 personnes mises en cause dans la rixe de Cisco cet été en Corse. Le jugement a été rendu cette nuit. Un procès hors norme pour un fait divers banal au départ. Un sommet européen sans le Royaume-Uni à Bratislava en Slovaquie. Le but des 27, relancer la construction européenne. Et puis en tennis, demi-finale de la Coupe Davis, la France affronte la Croatie. Vous entendrez Richard Gasquet. France Info. L'explosion s'est produite peu après 9h à Dijon dans un immeuble tout près de la gare. Les secours sont actuellement sur place. Le quartier est bouclé. Le dernier bilan fait état de 9 blessés, dont une personne dans un état d'urgence absolue. Thomas Nougaillon. Oui, l'explosion a été extrêmement violente. Elle s'est produite entre 9h10 et 9h15 ce matin, très précisément. C'est un immeuble ancien de la rue Pierre Palliot, situé au numéro 15, à deux pas de la gare de Dijon, au fond d'une cour intérieure qui s'est effondrée. La déflagration serait due au gaz. Ce n'est donc pas la thèse de l'attentat terroriste qui est retenue, malgré la position auprès de la gare de Dijon. D'ailleurs, très tôt, les autorités et François Rebsamen, le maire de Dijon, l'ont écarté, cette thèse terroriste.